إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأمس on a appris vite fait أسس العقيدة الإسلامية avec les plis de la foi. Et là aujourd'hui, inchallah, il va commencer à détailler chaque pilier, un par un. Qu'est-ce qu'ils veulent dire? Qu'est-ce qu'ils incluent? Qu'est-ce qu'ils impliquent? Pour pouvoir dire que la foi est présente dans le cœur de la personne. Et bien évidemment, la foi également implique les actes. لِنَّ الْإِيمَانُ وَقَوْلْ بِلِسَانْ وَاِعْتِقَدْ بِالْقَلْبِ وَعَمَلْ بِجَوَارِحْ يَزِيدُ بِالطَّاعَ وَيَنْقُصْ بِالْمَعَاصِي وَغَيْرِ ذَلِكَ. Que la foi là-bas, c'est une prononciation de la langue, c'est-à-dire que tu déclares ta foi également par des évocations d'Allah subhanahu wa ta'ala, des paroles, des bonnes paroles qui sont liées à la religion, qu'elle est une foi dans le, une croyance dans le cœur, également des actes apparents. Donc tu le dis, tu le ressens et tu agis. Également, cette foi, elle monte et elle descend. Elle peut monter et elle peut descendre. Contrairement à ce que disent certaines sectes. Mais là, lui va dans ce livre, évoquer les piliers de cette foi. Naam. Baqala. Awalan al-imanu billahi. La foi en Allah. Premièrement, qu'est-ce que cela veut dire croire en Allah? Car beaucoup de gens disent je crois, comme ils disent en Dieu, mais ils réellement ne savent pas qu'est-ce que cela veut dire. Donc là, il va commencer par tout ce que cela implique de dire je crois en Allah. Al-imanu billahi yatadamman arba'ata umur. Al-awwalu al-imanu biwujudillahi ta'ala. Donc il dit la foi en Allah, cela regroupe quatre choses, quatre points. Le premier déjà, c'est croire en l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là, ce sera en réfutation ceux qui se disent athées, qui ne croient pas au Créateur, que pour eux, il n'y a pas de Créateur. Donc il dit que cette chose-là a été démontrée, son existence a été démontrée par la fitra, la nature première, on va dire à l'instant, par le aql, la raison, le shar, la législation et le hisb, c'est une chose qui est indéniable. Peut-être même plus évidente que 1 plus 1 égale 2. اولا اما دلاله الفطره على وجوه فان كل مخلوق قد فطر على الايمان بخالقه من غير سبق تفكير او تعليم ولا ينصرف عن مقتضى هذه الفطره الا من ترى على قلبه ما يصرفه عن هالك للنبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود الا يولد على الفطره فابواه يوحدانه او ينصرانه او يمجسانه رواه مسلم وبل رواه البخاري. Donc déjà par rapport aux preuves tirées de l'instinct de la nature première, il y a cela, c'est différents angles. Premièrement, toute personne qui naît, plutôt même toute créature, son instinct amène à la foi envers son créateur sans qu'il n'ait pour cela qu'il y réfléchit ou qu'on lui a enseigné. C'est une chose qu'il a en lui. D'accord ? Et que cette chose ne peut lui être détournée de cette fitra, à part par une idée qui aurait été inculquée par la suite. Là, ça se concerne l'homme. Comme dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit qu'il n'y a pas de nouveau-né qu'il naisse sans qu'il soit sur la fitra, nature première. C'est-à-dire qu'il croit en son créateur, croit au tawhid. Cependant, ses parents, soit en font un juif, ou soit un chrétien, soit un majus. Majus, ceux qui adorent le feu, qui disent qu'il y a deux divinités qui sont le bien et le mal, la lumière et les ténèbres. Hadith rapporté par le Bukhari. Donc à la base, le nouveau-né est là-dessus. Il sait qu'il a un créateur. Après, sa croyance est corrompue à cause de ses parents ou de son entourage. Adam. Faniyan, amma dalalat al-aql ala wujudillahi ta'ala. فلأن هذه المخلوقات سابقها ولاحقها لابد لها من خالق أوجدها إذ لا يمكن أن توجد نفسها بنفسها ولا يمكن أن توجد صدفة لا يمكن أن توجد نفسها بنفسها لأن الشيء لا يخلق نفسه لأنه قبل وجوده معدوم فكيف يكون خالقا. Donc maintenant par rapport à la raison, les preuves rationnelles de cela, c'est que toute créature, il est obligé qu'elle ait un créateur qui lui donne son existence. C'est-à-dire qu'il n'est pas possible que cette chose se trouve elle-même par elle-même. Une chose qui était le néant ne peut se donner la vie à elle-même, se donner existence à elle-même, alors qu'elle n'était rien avant. Donc comment pourrait-elle se créer? D'accord? Et il n'est pas possible également qu'elle vienne par hasard. C'est pas possible qu'elle vienne par hasard. Donc comme il le dit à la fin, la chose ne peut se créer car avant d'être créée, elle était néant. Donc comment s'est-elle créée? Donc forcément il y a un créateur. ولا يمكن أن توجد صدفة أن كل حادث لابد من محدث لأن وجودها على هذا النظام البديع والتناسق المتآلف والارتباط الملتحم بين الأسباب ومسبباتها وبين الكائنات بعضها من بعض يمنع منعا باتا أن يكون وجودها صدفة إذ الموجود صدفة ليس على النظام في أصل وجوده فكيف يكون منتظما حال بقائه وتطوره. Donc il dit également, ce n'est pas possible que cette chose soit venue par hasard, comme ça, car toute chose qui a lieu a forcément une cause. Toute chose qui se produit a forcément une cause qui l'a provoquée. D'accord ? Ça ne peut pas venir comme ça. Et également, comment pourrait-elle venir par hasard, alors que tout ce qui nous gère dans la création, on le voit comme système, sans précédent, l'harmonie qui règne, tout s'accorde, tout s'enchevêtre, surtout entre les sebebs, les causes et les choses qui ont causé la cause, entre les êtres les uns vers les autres, il est impossible, impossible qu'une chose qui vienne par hasard puisse directement rentrer et s'accorder avec tout, se mettre en relation avec tout ce système, tout cet organisme, comme on dit. Car avant d'être créé, la chose n'était pas organisée. Comment va le devenir après? Donc, quand on regarde bien le monde comment il est, tout est géré, tout est agencé. Donc comme une chose par hasard, elle vient, elle se met à sa place tout de suite. On va pas voir un poisson qui se crée, il apparaît sur un arbre. Un poisson, c'est dans l'eau qu'il est, tout de suite. C'est son milieu naturel. Et qui plus est, un poisson d'eau de mer dans l'eau de mer. Un poisson d'eau douce dans l'eau douce. Un oiseau. Tu vas pas voir un oiseau, par exemple, également, qui naît dans la mer, à l'intérieur de la mer. S'il est dans la mer, il meurt tout de suite. Sa place, c'est dans les airs. Du moins, il a son nid, gaza, gaza, mais il vole dans les airs. L'être humain, c'est où sa place? Sur la terre, sur le sol ferme. Donc tout vient, tout a sa place. Les choses qui sont faites pour le froid sont dans les milieux froids. Les choses qui sont faites pour le chaud, dans les milieux chauds. À gaza, à gaza. Tout est à sa place. Donc comment on peut dire que cela est arrivé par hasard? À part quelqu'un vraiment qui n'a pas d'akl. Vraiment, qui n'a pas de raison. Et en plus, toutes ces choses, elles sont organisées dans leur présence et dans leur développement. C'est-à-dire, même quand elles, comment dire, elles évoluent en s'accordant avec l'univers dans lequel elles sont. Exemple d'évolution, l'embryon qui sort, c'est un bébé. Après, il devient un petit garçon. Après, un jeune garçon. Après, un adolescent. Après, un homme. Hakada hatta yamut. Et tout s'accorde avec son milieu de vie. Et tu regardes son corps, il suit. Son intelligence, elle suit. Et regarde, quand il évolue au fur et à mesure, tout se renforce. Son corps se renforce, sa raison se renforce, sa clairvoyance se renforce. Il parle de mieux en mieux, il bouge de mieux en mieux. Voilà les alikas. Comment peut-on dire que tout cela est arrivé par hasard? Il en est de même pour les animaux. Kullu hadhihi al-umur. Naam. Qala wa idh lam yumkin an tujadu hadhihi al-makhluqat nafsuha bi nafsiha wa la an tujadu sudfatan tu'ayyana an yakuna laha mawjud. Donc ce n'est pas possible que ces créatures soient venues d'elles-mêmes, par elles-mêmes et par hasard, c'est qu'elles ont forcément un créateur. Ce créateur qui est-il? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc quand ذكر الله تعالى هذا الدليل العقلي والبرهان القطعي في سورة التور حيث قال سبحانه وتعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. Donc dans le Coran, Allah l'a bien cité également dans Sourate At-Tur, où il dit dans le sens ont-ils été créés de rien ou eux-mêmes sont-ils les créateurs? يعني أنهم لم يخلقوا من غير خالق ولا هم الذين خلقوا أنفسهم فتعين أن يكون خالقهم والله تبارك وتعالى. C'est-à-dire que ces choses-là n'ont pas été créées sans créateur et ne font pas créer elles-mêmes. Donc cela implique que c'est Allah leur créateur, obligatoirement. Et si ce n'est pas Allah, quelqu'un pourra dire oui, un créateur c'est pas Allah, ben prouve que c'est autre que Allah qui l'a fait. Démontre-nous l'existence d'un autre créateur que Allah, et tu ne pourras pas. C'est pas possible. Car des gens ils sont obstinés, ils ne veulent pas accepter. Car beaucoup de gens ne veulent pas se plier, se résigner à adorer Allah, ils ne veulent pas. Donc pour ça, ils cherchent un tas de, on va dire, de portes à ouvrir, des issues. Et en réalité, chaque issue tombe sur quoi? Sur un précipice, il tombe dedans. Il n'y a pas d'issue. Les portes sont condamnées. Parce qu'ils ne veulent pas adorer Allah. Ils veulent faire ce qu'ils veulent. Ils disent, je suis créé, j'ai qu'une vie, je veux faire ce que je veux. Donc pour ça, ils sont obligés d'inventer, comme on dit, des façons d'éviter les lois. De frauder, comme on dirait. Mais tu ne peux pas frauder. Tu pourras peut-être ne pas te plier aux règles de la législation, aux règles naturelles que Allah a imposées à sa création. Tu ne pourras pas y échapper. Tu vas mourir un jour. Tu ne pourras pas dire, je ne mourrai jamais. Tu vas vieillir si tu ne meurs pas avant. Tu ne pourras pas dire, je vais vieillir. Il va t'arriver ça et ça et ça. C'est obligatoire. Et ça, c'est quoi? Dans le royaume d'Allah, c'est lui qui l'a décrété. Donc, tu ne pourras pas y échapper. Donc, plutôt que de te fatiguer, mets en harmonie ces lois qui l'impliquent sur la création, c'est le naturel, et ces lois législatives. Tu seras beaucoup mieux. Car les deux coordonnent, elles vont ensemble. Donc, par rapport à ce verset, il dit justement que Jabir ibn Mut'am, qui était un sahabi, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait récité la sourate de Tour et qu'il avait lu ce verset qui est Am khulikum min ghayri shay'in am humul khaliqun am kharaqu as-samawati wal ard bal la yuqinun am 'indahum khaza'in rabbika am humul musaytirun. Lorsque ce sahabi, ce compagnon, a entendu ce verset qu'on a cité auparavant, il a dit, alors qu'à l'époque c'était encore un mushrik, un associateur, un mécréant, il a dit, mon cœur a failli s'envoler. Et c'est à ce moment-là que la foi est rentrée dans mon cœur. Car il a compris justement. Un verset l'a fait méditer. Est-ce que tu as été créé de rien ou c'est toi le créateur? Et ça, c'est la fitra qui l'a interpellé tout de suite. وَلِنَدْرِبْ مَثَلًا يُوَدِّحُ ذَلِكَ فَإِنَّهُ لَوْ حَدَّثَكَ شَخْصٌ عَنْ قَصْرٍ مُشَيِّدٍ أَحَاطَتْ بِهِ حَدَائِقُ وَجَرَّتْ بَيْنَهُمَا الْأَنْهَارُ وَمُلِئَ بِالْفُرُشِ والأسرة وأسرة وزين بأنواع الزينة من مكومته ومكملته وقال لك إن هذا القصر وما فيه من كمال قد أوجد نفسه أو وجد هكذا صدفة بدون موجد فبادرت إلى إنكار هذا وتكذيب وعدت حديثه سفها من القول. Donc il dit, on donne un exemple. Si quelqu'un vient te dire, te parle d'un château, un grand château entouré de jardins entre lesquels coulent des ruisseaux, rempli de on va dire qu'il est ameublé, le château il est ameublé et décoré de toute forme d'ornements, et des lustres, kada, des belles tables, fauteuils, les divans, tout ce qui s'ensuit, une belle vaisselle dans le meuble, tout ce qui rend un château, il y en a qui le rend somptueux, comme on dit. Connaissez les châteaux, comment c'est? Après, il te dirait, ce château est venu tout seul, comme ça. D'accord? Il est venu par hasard. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas forcément blâmer cette personne, tu vas dire, c'est pas possible ce que tu me dis là. Un château ameublé de toute forme de meubles somptueux et luxueux, il est venu tout seul. Il va dire, c'est pas possible, il ne va pas te croire. Donc il dit, أفيجوز بعد ذلك أن يكون هذا الكون الواسع بأرضه سمائه وأفلاكه وأحواله وأحواله ونظامه البديع الباهر قد أوجد نفسه أو وجد صدفة بدون موجد. Okay, si tu réfléchis à ce château seulement, alors t'est-il possible ou concevable de te dire que tout cet univers, aussi large soit-il, avec sa terre, on va même parler que de la terre, sa terre, son ciel, ses étoiles, tout ce qu'il a de tout ce qu'il comporte et tout son système sans précédent, qu'il est venu de lui-même ou par hasard, sans que quelqu'un l'ait créé? Car qu'est-ce qui est le plus grand, le château ou l'univers? Bien évidemment, c'est l'univers. Donc comment croire une chose aussi grande qu'elle soit venue toute seule, et une plus petite, tu ne crois pas qu'elle soit venue toute seule?

رابعا أما أدلة الحس على وجود الله تعالى فمن وجهين. Donc maintenant, l'épreuve de, on va dire, tirer des sens sur la présence d'Allah. Quand il dit des sens, il veut dire les choses concrètes, en fait. Les choses concrètes. Pas les sens des cinq sens de l'homme. Les choses qui sont devant toi. Les faits concrets. Il dit, cela c'est de deux, à la wajhain, sous deux angles. Donc on met des deux. أننا نسمعه ونشاهد من إجابة الداعين عوف المكروبين ما يدل دلالة قاطعة على وجود تعالى على وجوده تعالى قال الله تعالى ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له. Donc maintenant on constate, on voit de nous-mêmes parmi les choses que celui qui invoque, il est exaucé. Celui qui est en détresse, il est secouru. Comme par exemple ce fut le cas de Nuh hadith salam dans le Coran, Allah dit dans le sens. Et Noor, lorsqu'il l'appela auparavant, et nous lui avons répondu. L'histoire de Noor, qui invoque contre son peuple, et après il y a le déluge qui a eu lieu. Et tout son peuple a été détruit. Et lorsque vous demandiez secours à votre Seigneur, il vous répondit. On fait Sahih al-Bukhari, an Anas ibn Malik, radiallahu anhu, an a'rabiyan dakhala yawm al-jumu'a, wa al-nabiyu sallallahu alayhi wa sallam yakhtum. Faqala ya Rasulullah, halak al-mal, وجعل عيال فدعوا الله لنا فرفع يديه ودعا فثار السحاب أمثال الجبال فلم ينزل عن منباره حتى رأت المطر يتحادر على لحيته وفي الجمعة الثانية قام ذلك العربي أو غيره فقال يا رسول الله تهدم البناء وعلق المال فدعوا الله لنا فرفع يديه وقال اللهم حولينا ولا علينا ثم يشير إلى ناحية إلا إن فرجت. Donc également comme dans le hadith rapporté par Anas dans Sahih al-Bukhari, lorsqu'un bédouin est rentré dans le masjid le jour du Jumu'ah, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait sa khutbah, il dit: ô messager d'Allah, les biens ont été détruits, les familles ont faim, invoque Allah pour nous. C'est-à-dire qu'il y avait la sécheresse. Donc il leva ses mains, il l'invoqua, et voilà que les nuages se rassemblèrent comme des montagnes, et il n'est pas descendu sur minbar avant qu'il se mette à pleuvoir. La pluie est descendue. Même sur sa barbe. Car à l'époque, le masjid Nabawi, le toit c'était des feuilles de palmier. Donc ce n'était pas étanche l'eau à rentrer dans le masjid. Donc avant même qu'il n'ait fini, il commençait déjà à pleuvoir. Et après, le vendredi d'après, ce même bédouin ou un autre s'est levé en disant: oh, messager d'Allah, les bâtisses se détruisent, les maisons se détruisent, et les biens se noient. Invoque Allah pour nous. Donc il leva ses mains, et il dit, oh Allah, que cette pluie soit autour de nous et pas sur nous. Et de là, la pluie cessa automatiquement. Donc là, ce hadith, il est authentique, nous on y croit, quand même. Qu'il invoqua, il fut exaucé. Donc il a invoqué qui? Qui donc, le hasard va t'écouter et va te donner ce que tu lui demandes? C'est plus du hasard alors. Ça s'appelle plus du hasard, parce que le hasard c'est une chose qui vient comme ça, sans raison. Sans raison. Et le hasard, ça mènerait à quoi? Au désordre. Attention, un tembik chez souvent, le mot hasard, ou coïncidence en religion, on peut l'employer, mais sous une certaine forme. Par exemple, tu ne peux pas dire, telle chose s'est produite par hasard, dans le sens qu'elle n'a pas de créateur. Ça c'est interdit. Mais là, échec. C'est du shirk, billah. Par contre, maintenant, tu peux dire par hasard, dans le sens que ce n'était pas prévu. Tu dis, j'ai rencontré un tel dans la rue par hasard. C'est-à-dire, on n'est pas rendez-vous, lui et moi. Si tu veux dire hasard dans ce sens-là, ma fi ma'dhur. Car le mot sudfa, en arabe, a été employé dans des hadiths. Il veut dire hasard. Pour dire, en fait, une chose qui n'était pas prévue. Donc, dans ce sens, avec cette connotation-là, tu peux dire le mot hasard pour la coïncidence. Tu dis, par exemple, ma sortie du masjid a coïncidé avec l'arrivée de Fulen, de un tel. Dans ce sens-là, la baisse. Mais plus on évite, mieux c'est, pour éviter les chebouhettes. Si quelqu'un dit le mot hasard dans ce sens-là, on ne peut pas le blâmer. On dit ce qu'il dit là, il n'y a pas de mukhalafa shari'a, ça ne contredit pas la religion. Et le mot hasard n'est pas employé comme les athées veulent le faire comprendre. Car pour eux, le hasard, c'est une autre force. C'est un créateur. Ça, c'est arrivé par hasard. C'est-à-dire c'est hasard qui a voulu que ça arrive. Ils ne s'en rendent pas compte. Donc il dit justement qu'on a cessé de constater que celui qui invoque Allah dans la détresse, sincèrement, son invocation est exaucée. Donc ça c'est une chose, justement c'est un fait indéniable. On le voit de nos propres yeux. Et on l'a même vécu sur nos propres personnes. Al-Wajhu Thani, أن آيات الأنبياء التي تسمى بالمعجزات يشاهدها الناس ويسمعون بها برهان قاطع على وجود مرسليهم والله تعالى لأنها أمور خارجة عن نطاق البشر يجريها الله تعالى تأييدا لرسله ونصرا لهم. Donc également, ce qu'on appelle les miracles des prophètes, des choses qu'on a que les gens ont vues de leurs propres yeux, qu'on a entendues, sont une preuve tranchante sur l'existence de celui qui a envoyé ses prophètes et ses messagers. D'accord ? Ce sont des choses qui sortent de l'ordinaire, ce qu'ils ont fait. Et le fait qu'il y a l'ordinaire nous démontre quoi ? Que la création, justement, à la base, elle est gérée. Donc là, tu vois une chose qui sort de l'habitude, du commun. Comme on l'a expliqué dans les derses sur le Sitta, un homme qui marchait sur l'eau. Est-ce que ça c'est de l'ordinaire? L'eau, on ne peut pas marcher dessus. Demain, tu vois un homme qui marche sur l'eau. Tu dis, comment il a fait ça? C'est Allah qui l'a fait marcher à la base, si c'est un wali, ou alors c'est un shaitan qui l'a fait marcher, c'est un khabith. Ça dépend. En tout cas, tout le monde serait surpris par cet acte. On dit, à la base, l'eau, ce n'est pas un solide, c'est un liquide. On ne peut pas marcher dessus. Et des faits ont été constatés par des gens. Maintenant, il y a des charlatans, c'est vrai, qui font de la sorcellerie, qui ensorcellent des gens. Et il y a des miracles également qui existent. Donc ces choses-là sont des preuves, d'accord, qu'il y a un créateur. Et on parle là maintenant des miracles accordés aux prophètes, attention. Donc quand ça vient d'un prophète, il n'y a même pas à douter. Il n'y a pas à douter. On doute lorsque c'est une personne. Qui est-il? Est-ce que c'est un homme pieux? Ou est-ce que jamais c'est un khabith? Ça dépend de qui il est. Après, si tu as par exemple les miracles comme celui de Moussa alayhi salam, lorsque Allah lui a dit de frapper de son bâton la mer, lorsqu'ils s'enfuient avec les fils d'Israël, et que la mer s'est ouverte en deux. Le sol fut sec, et les deux parties de l'eau furent les côtés comme des montagnes. Il traversa la mer. Et même dans les livres des gens du livre, dans la Bible, c'est écrit ce fait. L'islam le confirme. On y croit. Mais eux, il y en a parmi eux, ils n'y croient pas. Il y en a parmi eux, ils n'y croient pas. Ils disent juste une histoire comme ça pour rendre spectaculaire, mais on n'y croit pas. Moi, j'ai entendu de mes propres oreilles, quand j'étais petit au catéchisme, la prof qui disait, on n'y croit pas. Il me raconte l'histoire de la Bible, de Moussa alayhi salam, disent Moïse. Et après, elle me dit non, il a fait le tour par les montagnes en fait. C'est juste pour, tu vois. Ma prof de catéchisme me dit ça elle-même. Elle n'y croyait pas. Dans l'église, elle me disait ça. Wallah. Donc on est à Allah. Fa'uhayna ila Moussa anadrib bi'asaka al-bahr, fanfalaka, fakana kullu farkin katawdin 'azim. Et nous avons révélé à Moussa de frapper avec ton bâton la mer, et qu'elle se sépara, et que chaque partie de l'eau était comme une montagne immense. De là et de là. Deuxième, parmi les miracles des prophètes, Isa alayhi salam, qu'ils appellent Jésus, du fait qu'il faisait vivre les morts, revivre les morts, qu'il est sorti de leur tombe, et cela par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah il dit, « Wawhil mawta bi'iznillah » et je donne la vie aux morts avec la permission d'Allah. « Wa qala wa iztukhrijul mawta bi'izni » que si jamais tu sortais le mort, par ma permission, wakada. Et même dans les livres des gens du livre, c'est confirmé que Isa, alayhi salam, ont donné la vie à des morts. Lui-même, il a marché sur l'eau, ils disent dans la Bible. Maintenant, c'est vrai, nous, on n'a pas de preuve qui le confirme, mais c'est tout à fait possible qu'il ait fait cela, voire plus grand encore. Plus grand encore. Bon, troisième exemple, Mohammed, sallallahu alayhi salam, lorsque Quraysh demanda de lui un miracle, qu'est-ce qu'il a fait? Il a indiqué vers la lune, et celle-ci s'est fendue en deux. La lune s'est fendu en deux et les gens l'ont vu. Liyadha qala Allah ta'ala iqtarabati as-sa'atu wa inshaqqa al-qamar wa in yaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Dans le sens où il dit que l'heure s'est rapprochée et la lune s'est fendue. Et lorsqu'ils voient un signe, c'est-à-dire les gens, ils se détournent et disent cela n'est que de la sorcellerie. C'est-à-dire même devant leurs yeux, ils ne veulent pas accepter. Donc toutes ces choses-là sont des faits constatés qui démontrent que Allah subhanahu wa ta'ala est venu pour secourir ses messagers. Donc cela sont des preuves de l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Maintenant, la dernière partie des miracles, ça, les athées vont dire, nous, on n'y croit pas. Vous ne voulez pas y croire, ça vous concerne. Mais nous, on y croit. Et les gens du livre doivent y croire également. Ils doivent y croire. S'ils croient leurs prophètes, comme ils le prétendent, doivent y croire. Mais à la base, les gens du livre croient au Créateur. n'y a pas de divergence entre nous et eux là-dessus. Seulement la divergence, c'est qu'eux, ils adorent autre que lui. Ava. Donc là, voilà, c'était la petite, c'était la première partie de l'Iman Billah, la croyance en Allah, la foi en Allah. Qu'est-ce qu'elle contient, qu'est-ce qu'elle implique. Aujourd'hui, c'était, elle implique la croyance en l'existence d'Allah. Naam. فَلِلَّهُنَا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ